derniers jours avant confinement, focus sur les boutiques, par exemple, les commerces qui s'organisent pendant ce confinement. On pense aussi, bien sûr, à tous les lieux culturels. On va direction Marcel Cave dans cet agenda spécial. Marcel Cave, ou boutique qui s'appelle l'atelier, même un atelier. Thank you. Parce que ça décourage ceux qui travaillent et parce qu'au total, ça fait perdre tout simplement de l'activité. président Pôle emploi à la Société française. Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et je vous demande d'avoir chaque jour la même détermination. Ne céder rien. Ni aux égoïstes, ni aux pessimistes, ni aux extrêmes.